marmotte et écureuil vivaient sur terre et étaient grands amis. Mais leur ami l'hiver ne leur rendait jamais visite. Un jour, l'écureuil et la marmotte allèrent voir leur ami l'hiver. Pourquoi ne nous rends-tu jamais visite ? Vous allez avoir froid. Vous devez construire un abri chacun. Alors l'écureuil et la marmotte se mirent à construire leur abri chacun. Quand les abris furent terminés, les nuages, la pluie et le vent vinrent dans la forêt. Retournons nos abris, notre ami l'hiver arrive. Dans son abri, l'écureuil se dit : j'espère que le printemps va venir. En attendant, je vais dormir. Dans son abri, la marmotte se dit : j'espère que le printemps va venir pour que je puisse manger. Pour l'instant, je vais dormir tout l'hiver. Quelques mois plus tard, je vais le dire à mon amie la marmotte. Mais la marmotte est déjà réveillée. Elle mange déjà de l'herbe. Dylan, Michael, Brian, Leilo, Sana, Wafi, Jordan, Jason, Maxence, Benziane, Isham.